adversaire au PSG, tous nos petits shooters ils sont doués. Un bédo quand je me noyais, ces chiens n'ont pas jeté de bouée. Ces bâtards ont presque brillé, elles me voient comme un presse billet. Le four tourne très très mal, les petits se font shooter pour presque rien. Western Union Ria, les cousins en bled ils font que de prier. 10, 20, violet, 100, les amis, les billets, je fais que de trier. Dans la chambre, elle fait que de crier, c'est de la purée, je les fais vriller. Le con, il a cru en l'amour, elle a donné le go 14 février. Moi, c'est l'amour de la Nemo que je prône. Je suis sur les réseaux, je scroll. Ils sont tellement éteints qu'ils me foutent le mort. Comme le final de Game of Thrones. Je viens de péter un Audi Racing Sport. Fuck laser, mais j'ai conjuré le sort. Que Dieu me préserve d'avoir une fille qui fait la tchaga dans Frenchy Shore. Je devais sortir en mai, mais maintenant, je sais plus. Ils m'ont rajouté une affaire. Qui repose tous en paix. Ils ont pacté fort, le diable est dur en affaire. Et je les check dans le cockpit. Dis-toi qu'à l'époque, on avait déjà le beeper. On n'est pas venu chanter des hits, on est venu dépouiller le chanteur. C'est ce que ça fait de voir les cachets se réduire, au quartier entendre les frères médire. Elle est sous BP, elle aime séduire. Je l'emmène à Monaco comme Ben Seguir. Et j'écoute mes propres sons dans le Viano. Parce que je suis chaud et que je suis mégalo. Je suis un homme de couleur, pas besoin d'étalo. J'ai le bout du canon qui me frotte les calots. Ils ont rafalé le monospace. Faut bien que les euros se fassent. Le mal se fait en espèces. Et je renvoie les athées dans l'espace. C'est moi le plus gentil de mon équipe. Voyons-nous avant que mes potos le fassent. De tes grainés sur la photo de classe. Je t'allume, je démarre l'auto classe. Réel. Fort. C'est moi le plus gentil de mon équipe. Voyons-nous avant que mes potos le fassent. De tes grainés sur la photo de classe. J't'allume, j'démarre, l'auto-classe.